J'ai retrouvé le son de ma guitare sur le dos des petits oiseaux. J'ai retenu ma grande leçon de gloire sur la scène des bobos. J'ai recommencé le Seigneur des Anneaux pour trouver des héros. Tous les soirs, c'est la même histoire. Tous les matins, c'est toujours le noir. J'ai concentré tout mon savoir pour que nos enfants sachent enfin qu'il faut craindre les guerres, les misères et les flammes, qu'il faut craindre l'anarchie, les folies et les glaces. J'ai retrouvé le son de ma guitare sur les rochers de Diablo. J'ai pas compris toute l'histoire de ce monde en zéro. Il y avait un arbre ici et autrefois qu'on a coupé de haut en bas. Je vois la mer grise, verte, bleue, je ne sais pas. Je sens le vent qui se moque de moi. J'ai retenu la leçon de piano que m'avait donné le petit Jaco. Tellement drôle quand il faut, et toujours là quand il fait beau. Quand le soleil brille comme de l'eau, petite tête sympa tout rigolo. Malgré parfois un peu margeau, life and to love the party. Ma guitare sur le dos des petits oiseaux.